정신없어. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. Pour ce Toiles et Sillons spécial, je vous propose de passer une heure en compagnie d'un des plus célèbres compositeurs de musique de film en France, Georges Delerue. Tout l'univers de Georges Delerue, ses musiques et les bandes annonces des films qu'il a illustrés, c'est maintenant dans Toiles et Sillons. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les anciennes émissions sur toilesetsillons.com. Je vous laisse pendant une heure avec Georges Delerue. Bonne séance à tous. Oh, dis donc, Joël, si tu voulais, hein. Si je voulais quoi? À votre avis, est-ce que les femmes sont magiques? Certaines, oui. D'autres, non. Qu'est-ce que c'est ce métier? Qu'est-ce que c'est que ce métier où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment, où tout le monde fait semblant? Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? J'aime votre femme. J'ai fait l'amour avec elle. Rendez-lui sa liberté. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il m'aime? Je sais que la vie est dégoûtante. Non. La vie n'est pas dégoûtante. Je suis décidée. Je vais vivre seule. Puis j'en ai assez de me déguiser. Je vais abandonner le cinéma. C'est du chantage à l'état pur. Mais je sais que finalement, je serai obligé de céder, et vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, la vie n'est faite que de ses rapports de force. C'est drôle, hein, notre vie. On se rencontre, on travaille ensemble, hein, on s'aime et après... On peut faire des films avec n'importe quoi, on peut faire des films avec Kissinger, Mission Fructueuse, avec le bijoutier qui blesse son ex-femme, avec le type la grève cardiaque. Thank you. 1967, Oliver Stone was a combat infantryman in Vietnam. He was wounded twice and received a medal for gallantry in action. 10 years later, he was a Hollywood screenwriter and the winner of an Oscar. But even after many successes, Stone still had another story to tell. A movie that grew out of his own experience. Stone has come a long way from Vietnam, but he has not left it behind. Take the pain. I got a bad feeling on this one, all right? Watch out! Rocket! The first real casualty of war is innocence. The first real movie about the war in Vietnam is Platoon. j'ai fait le plein. Ah bah tu vois bien, avec un peu de bonne humeur, tout s'arrange. Vous auriez pas fait des fois 1500 bornes pour me piquer mon chargement? T'aurais pas eu dépensé pareil? Dis, Plouc. Au lieu de se tirer dans les pattes, là, on s'arrangeait, quoi. On partageait l'amiable. Tu sais que tu manques pas de santé, mon salaud. Dans une partie de 100 000 $, j'en connais qu'une de règle. Une partie de combien, t'as dit? Oh là, oh là, un peu de calme, on s'entend plus. Dans les endroits déserts, il vaut mieux toujours être aimable. Ça coûte rien et ça économise des cartouches. C'est pour ça que tu vas fermer ta grande gueule et que toi, tu vas aller faire la croûte. Il peut crever. Non, câline ta petite fiancée. T'as entendu ce que je t'ai dit? Un de vous pourrait peut-être m'aider. Le gros plein de sous. Dis donc. Alors tu disais que t'aimerais qu'on reste poli, moi je vais bien, mais il faudrait que ta morue me parle autrement, hein. Tu parles comme un tribunal militaire. C'est beaucoup plus simple que ça. Ah, c'est dégât, je voudrais bien en conduire un comme ça. T'as une seule fois un jour de congé. Réponds-moi, Pluck. Oh. Dis-moi la vérité. Tu couches toujours avec tout le monde? Enfin, je veux dire, avec tes copains. Oui. Il y en a pas un qui t'aurait refilé de l'oseille des fois, non? Non. Eh ben alors, t'es notre petite Angèle, c'est tout, hein? Ton ami Rocco, quand il tient le cerceau, c'est un crack. Si quelqu'un doit lui courir aux fesses avec une chance de les rattraper, c'est toi. Thank you. dans les ailes arrières. Et l'or ? Le pare-choc avant et le pare-choc arrière recouverts de chrome. Les bijoux de Baalbek dans la batterie. Et le Yukun-Kun ? Le Yukun-Kun, le plus gros diamant du monde, il est là. Vous dirigez, vous tranchez, vous décidez, vous confiez nos millions, vous prenez cornium nu, mais de quel droit ? Je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. Raison, il nous a vu. Mais dites donc, l'Italie, vue d'une Cadillac, ça doit être quelque chose. Quelle histoire! Allez, donnez ça! Mais ne sortez pas la voiture, voyons! Retenez la voiture! Retenez la voiture! Mais dites donc, mon vieux! Ma parole, c'est pas possible, vous débutez dans le métier! Oh, bravo. Vous avez besoin de toutes ces armes contre moi ? Oui, monsieur. Le sort de ma beauté est entre vos mains. Excusez. Alors, bien ici, moi. Pianissimo, pianissimo, please. Et hop, il l'emballait. Alors là, moi, il m'épate. Je suis pas si coucou que j'en ai l'air, alors. Il m'épate. Oh non, mais ça fait trois fois que vous me faites ça. Non, là. l'assassin est un type très violent. Il lui a fait éclater le crâne. Et l'arme. Parce qu'il n'a rien à dire. T'as pas vu. C'est drôlement bien, vous. Ouais, ça et mon cul, c'est tout ce que le bon Dieu m'a donné. Oh, le cul. Alors là, le cul. Remarque, ça doit pas être si difficile de se la faire. Elle avait un prénom, Eliane, mais personne ne l'a jamais appelée que elle ou celle-là. À mon avis, avec une fille comme elle qui va à droite et à gauche, tu ferais mieux de croiser au large. C'est quelqu'un? J'ai crevé. On danse? Qu'est-ce que vous voulez faire? Grimper aux arbres? Le premier mot qu'elle m'a dit, c'était déjà un coup de marteau. Et en plus, je déteste les gens qui ont les mains humides. Je déteste. Mais elle, sa main humide avait quelque chose que j'ai toujours aimé. Je sais pas quoi. Quelque chose qui est dans les bébés, les enfants. D'accord, Hector, d'accord. Vous emballez pas. C'est pas parce que vous m'emmènerez au restaurant que vous coucherez avec moi. Trois petites notes de musique ont plié boutique. Trop chaud comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je mette? Une armure? Tu veux t'envoyer Jeanne d'Arc? D'où tu viens? Je m'en fiche que tu frappes. Si je te cache quelque chose, c'est pas du tout ce que tu crois. Je t'aime. Qu'est-ce que tu me caches alors? Maintenant, il faut que je sois patiente. Je les retrouverai tous. Je leur ferai payer cher, à eux et à leur famille. Colonial batterie Mercier. Adjudant Malizard, du 1er bataillon de mars de la Légion étrangère. Enfin, de ce qu'il en reste. À ton avis, il y a combien dans le coffre? 6 milliards. Et en barre d'or. Arrête, mon Dieu, tu vas nous faire appeler! Les conneries, ça se fait avant d'entrer à la Légion. Pas pendant. Ah pardon, moi je suis pas limité dans le temps. Je suis pas légionnaire. Vous savez ce que c'est qu'un peloton d'exécution? Que t'as. On peut pas avoir les jetons, t'es un SS. Adresse-toi. Pense à Adolphe. Arrête de déconner, merde! Allez, Béral! Feu! Sergent gagneur du 1er bataillon de marche de la Légion étrangère. Hélène Laroche-Fréon, est-ce que mon mari en a encore pour longtemps? C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Hélène! Tu connais? Eh bien sûr. On les a eus pendant 2 mois sur le dos. Heureusement que t'as l'air insolide. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre? Je la saute, moi, hein? Au gagneur aussi, il la saute! Vous n'avez pas le droit de parler sans savoir, mon adjudant. Avouez que vous êtes venu avec cette idée-là. C'est drôle, même sur une place crevassée et esquintée, c'est bandant une banque. This was the sixth attempt on the life of President de Gaulle. In desperation, the OAS terrorists hired a professional killer. His code name, the Jackal. This is a once-in-a-lifetime job. Whoever does it can never work again. How much do you want? $500,000. What? In cash. I'd like to know how you expect us to find $500,000 so quickly. A desperate plan. Nothing left to chance. Every chilling detail. Time to the second. How do you stop the Jackal? How do you stop the clock? Commissioner Berthier. We're in trouble on this one, since not even the OAS know who he is. Action Service can't destroy him. Territorial surveillance can't pick him up at the border because they don't know what he looks like. An unparalleled manhunt. A determined and relentless killer. Impossible to know. Impossible to stop. Every chilling moment of Frederick Forsyth's sensational book, brilliantly filmed by director Fred Zinnemann. He's vanished. I don't think we really ever had any idea what kind of man you've been pursuing. Excuse me. It's just occurred to me that we've got 2 days to catch the Jackal. Of course, liberation. That's what he's been waiting for. Step by step, with fascinating precision, the Jackal moves closer to the moment of kill, to the day of the Jackal. Thank you. Bientôt. Bientôt. Sur. Cet. Écran. La femme. L'homme. L'Italie. Le cinéma. Avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. L'Alfa Romeo. Le music hall. La statue grecque. Le revolver. Le nouveau film traditionnel de Jean-Luc Godard. La gifle. La chambre à coucher. Le baiser. La salle de bain. Avec Jacques Palance, Georgia Moll et Fritz Lang. Le fou. La starlette. Le vieil homme. La mère. D'après le célèbre roman d'Alberto Moravia. La tendresse. La vengeance. Les caresses. La souffrance. Photographié dans toute la magie du Francoscope et du Technicolor. L'escalier. La promenade. Le livre. Le bateau. Une tragique histoire d'amour dans un décor merveilleux. Les disputes. Le soleil. La trahison. La mort. Une merveilleuse histoire d'amour dans un décor tragique. L'amour. L'obscurité. Les malentendus. La beauté fatale. Fatale. Thank you.